Question 28. Le marquage bleu indique une zone bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner dans l'emplacement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.